Bonjour, nous avons vu donc dans la précédente vidéo comment Chilpéric était devenu finalement le roi d'un immense royaume qui s'appelle le royaume de Neustrie à partir du 7e siècle, mot qui apparaît d'ailleurs chez un chroniqueur italien de cette époque, 100 ans après les faits, mais qu'il était confronté, du fait que c'était un roi qui aimait la guerre, se retrouvait donc confronté à une aristocratie militaire et ecclésiastique de plus en plus puissante et avec laquelle il devait composer. Le fameux procès que finalement qui avait opposé Grégoire de Tours avec l'évêque de Bordeaux sur les accusations fallacieuses de Leudaste. Le comte Leudas, qui avait été d'ailleurs déposé suite aux manœuvres de Grégoire de Tours, eh bien, est un peu le symbole, est assez emblématique justement de cette nécessité de composer avec ces grands du royaume, qu'ils soient aussi bien ecclésiastiques que militaires. Chilpéric aussi se montre sous un jour à la fois très belliqueux, très guerrier, et en même temps un roi relativement cultivé, puisqu'il a écrit un ouvrage de théologie. Il a rajouté des lettres dans l'alphabet latin pour intégrer des sonorités germaniques, et il se piquait justement de culture et d'ouverture d'esprit, du moins dans ce domaine-là. Il est possible que Grégoire de Tours, lui, y a flairé la bonne affaire, puisque grâce à un éloge panégyrique qu'il avait demandé à son ami et poète, le poète Venance Fortuna, eh bien, un éloge panégyrique du roi Chilpéric, eh bien, il avait gagné son procès, finalement, avant même que son procès ait vraiment commencé. Il est réintégré, d'ailleurs, dans ses fonctions d'évêque de Tours. Quant à Venance Fortuna, il touche une pension de la part de Chilpéric. Bon, mais malheureusement, Frédégonde perd tous ses fils. Et alors là, c'est un peu le drame de Chilpéric, c'est quoi qu'il soit le roi d'un puissant royaume, qui s'appelle la Neustrie, il a une descendance mâle qui s'est réduite comme peau de chagrin. Frédégonde perd tous ses fils, après Samson, elle perd Clodebert, elle perd Dagobert. Clovis, le dernier fils, donc le dernier fils vivant en fait que Chilpéric a eu avec Audovaire, brigue donc par conséquent la totalité de l'héritage paternel. Il jouit de nombreux soutiens. On sait que c'est un général charismatique et profondément chaleureux et sympathique. Mais il meurt alors qu'il est en pleine gloire après une partie de chasse, lardé de coups de couteau. L'entourage de Frédégonde fait croire au suicide, empêchant Chilpéric d'aller enterrer son fils. En effet, les suicidés sont condamnés à la fosse commune. Chilpéric, absent à l'enterrement de son fils, ne peut se rendre compte du crime. Quant à Basine, la sœur de Tibère, puisque Chilpéric a eu aussi une fille avec Audovaire qui s'appelle Basine, eh bien, elle est violée par des hommes qui se révèlent être des hommes, donc elle est violée en groupe, par des hommes qui se révèlent être tous des hommes de la suite de Frédégonde. Or, Basine, une fois violée, ne peut plus être mariée, ne peut plus prétendre à un mariage princier. Traumatisée d'ailleurs, elle est envoyée au couvent Sainte-Croix, auprès de sa tante Radegonde, et où elle prononce des vœux. Quant à Audovaire, qui était cloîtrée depuis qu'elle avait été répudiée par Chilpéric afin d'épouser Glasvinte, eh bien, elle est assassinée de la même façon, à coups de couteau, en 580. Donc, il n'est pas très difficile de prétendre que c'est Frédégonde qui est derrière ces crimes. Le pas est facile à faire. Est-ce qu'il y a eu une véritable enquête? Est-ce que le roi Chilpéric a préféré fermer les yeux sur les pratiques de sa femme? C'est possible. Mais il est possible aussi que Chilpéric n'approuve pas, pour autant, les pratiques de sa femme. Parce que la mort de Tibère lui a été déjà suffisamment difficile à vivre. Mais la mort de Mérovée, lardée de coups de couteau, il l'a très mal vécu. Et la mort de Clovis, lardée de coups de couteau, il l'a aussi très mal vécu. Donc voilà, c'est un peu le prix que le malheureux Chilpéric a dû payer de son alliance avec cet ancien esclave, Frédégonde. Alors, les Austrasiens, eux, voient tout l'avantage qu'ils peuvent tirer, évidemment, d'un Chilpéric sans descendance mâle. Et sous l'impulsion de l'évêque de Reims, Égide, qui est à la tête d'un parti pronostrien, la cour de Metz se rapproche de la cour de Soissons. Donc, autrement dit, la cour austrasienne se rapproche de la cour neustrienne. L'idée est de faire de Childebert l'héritier, donc Childebert, c'est le fils que Sigebert a eu avec Brunehaut. L'idée est de faire donc de ce Childebert, Childebert II d'ailleurs, puisqu'il y a eu déjà un Childebert I qui était en réalité le roi de Paris, qui était le frère de Clotaire Ier. Childebert deviendrait ainsi l'héritier du royaume d'Austrasie et du royaume de Neustrie. Les Austrasiens anti-neustriens, par contre, se sont réfugiés à Bourgogne, en Bourgogne. Et là, ils essaient de convaincre Gontran de déclarer la guerre à Chilpéric pour empêcher cette alliance. Et Gontran cède à leur demande, parce que Gontran ne veut pas en réalité qu'il y ait un royaume qui supplante l'autre. Donc il considère là que le royaume de Neustrie a pris trop de pouvoir. Et évidemment, il va rentrer en guerre contre Chilpéric. Mais Gontran perd toutes ses possessions à l'ouest. On savait qu'il avait de la ville d'Agen, la ville de Saintes, et il perd tout ça. Donc une paix est signée. En 582, alors le royaume de Neustrie s'agrandit d'autant plus. En 582, à Paris, nouvelle capitale de Neustrie, puisque lors de cette guerre, Chilpéric en a profité pour mettre la main sur la ville de Paris, et donc de mettre fin finalement à l'aspect indivis de la ville de Paris. Eh bien, Frédégonde donne naissance à Thierry. Alors les Australiens sont un peu inquiets, parce que Thierry leur rappelle en réalité l'ancien roi d'Austrasie. Et donc, cela pourrait signifier que, en réalité, Chilpéric a l'intention de conquérir le royaume d'Austrasie. Et il ne voit plus beaucoup d'intérêt à faire alliance avec Chilpéric. Mais Chilpéric tente de les rassurer en disant: « Mais non, pas du tout, je n'ai pas du tout l'ambition d'envahir votre royaume d'Austrasie. Le roi légitime de ce royaume, c'est Childebert, je ne remets pas ça en question. Voilà, bon, certes, ce qu'il faut savoir, c'est que, par contre, il y en a un qui est intéressé à cela, c'est Gontran, car vous savez très bien que Gontran, c'est lui qui est derrière le crime, la mort de Sigebert. Donc moi, je vous invite plutôt à voir. Le problème pourrait venir de Gontran. D'ailleurs, si nous faisions une alliance militaire pour aller combattre Gontran, et ils finissent par faire une alliance militaire, alors avec des Austrasiens pas très motivés, par contre des Neustriens extrêmement motivés, l'idée étant de conquérir territorialement une partie de la Bourgogne. Alors, une nouvelle guerre éclate donc entre une coalition austro-neustrienne d'une part et des troupes burgondes de l'autre. Malgré des débauches de cruauté, cette guerre maintient le statu quo. En fait, elle a été totalement inutile. Le roi de Bourgogne, d'ailleurs, Gontran, ne perd aucune possession territoriale à l'occasion de cette guerre, et Chilpéric est obligé de faire un peu la police dans son armée, puisque certains de ses comtes se sont laissés aller à des comportements d'une rare cruauté, comme le comte de Rohan. Et Chilpéric est obligé d'exécuter le comte de Rohan, tellement celui-ci s'est laissé aller. Mais la suite dans notre prochaine vidéo. Merci et à bientôt.